Section 19 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Charlotte. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades. 1095 jusqu'à 1270, publié par Ernest Lavisse et Alfred Rombaut. Chapitre 4, cinquième partie. La lutte suprême, par Charles Baillet. Frédéric II et les villes lombardes. À la suite du traité de San Germano, l'Empire, la papauté, les villes italiennes sont en trêve, mais cette trêve est précaire, souvent mal observée. Les villes lombardes ne se font point illusion sur les sentiments de l'empereur, qui, en toutes circonstances, en tout pays, se déclare l'ennemi de l'autonomie municipale. En 1232, réunis à Bologne, les recteurs de la Ligue ont renouvelé leur alliance contre toutes les personnes qui voudraient blesser leurs droits ou pénétrer violemment sur leur territoire. Ils demandent au pape d'intervenir, pour que l'empereur ne puisse entrer en Lombardie avec une armée, prétendant que c'était enfreindre la paix de Constance. Dans le centre, les cités, où la vie municipale est fort active, prendront aussi part à la lutte. Florence, Orvieto, Viterbe, Assise, Pérouse soutiendront la cause guelfe. Des confédérations se forment. Ainsi, en 1237, entre Spolète, Pérouse, Gubbio, Foligno, etc. L'alliance de la Ligue lombarde avec Henri, son fils révolté, acheva d'irriter Frédéric. De son côté, il s'appuie sur les tyrans, dont le rôle commence à se dessiner dans le nord de l'Italie, sur Ezzelino de Romano, qui, de la marche de Trévise, intervient en Lombardie, et maître de Vérone, de Padoue. En 1235, enfin, il se déclare contre les villes lombardes. Au mois de juillet 1236, il est en Italie. Quelques villes seulement, Crémone, Bergame, Parme, Reggio, Modène, Vérone, sont gibelines, tandis que la Ligue, gagnant du terrain, est devenue la Societas Lombardiae, Marciae et Romagnae. Frédéric est vainqueur. Il occupe Vicence. Après avoir passé l'hiver en Autriche, il reparaît en Lombardie. Le 27 novembre 1237, il met l'armée de la Ligue en déroute à Cortenuova, s'empare du Carroccio milanais, qu'il envoie aux Romains. La plupart des villes, dans le bassin du Pô et en Toscane, se soumettent. Mais Milan, Brescia, Alexandrie, Plaisance, Bologne, Faenza continuent la lutte. L'intervention de Grégoire IX. Alors, derrière les cités, comme au temps de Frédéric Barberousse, se dresse la papauté. Plusieurs fois déjà, elle est intervenue comme médiatrice entre elle et l'empereur. Surtout, elle n'entend pas les laisser écraser et permettre à Frédéric d'établir dans le nord une monarchie absolue analogue à celle qu'il organise dans le Midi. L'existence de l'État de l'Église en dépend. Dès le mois de mars 1236, Grégoire IX déclare que l'Église romaine ne saurait tolérer des attaques contre les Lombards qui se sont placés sous sa protection. Dans une lettre à Frédéric, 26 octobre, il rappelle la donation de Constantin qui a attribué au pontife romain, avec les insignes impériaux et le sceptre, non seulement Rome et son duché, mais les provinces occidentales de l'Empire. Si les papes ont conféré à des princes la dignité impériale et la puissance du glaive, ils n'ont entendu diminuer en rien la substance de leur juridiction. Et il ajoute: Tu es donc soumis au contrôle du pape. De son côté, Frédéric écrit à l'évêque de Côme qu'il entend ramener le centre de l'Italie à l'obéissance et à l'unité de l'Empire. Ainsi, de part et d'autre, on renonce au ménagement, on revendique la monarchie absolue du monde chrétien, et les déclarations qui s'entrechoquent sont tranchantes comme le glaive. Comme si désormais les hommes de conciliation n'avaient plus de rôle à jouer, alors meurt celui qui longtemps avait été le missionnaire de paix entre Frédéric et Grégoire IX, Hermann de Salza. Excommunié le 20 mars 1239, Frédéric riposte en déclarant les habitants de la marche d'Ancône et du duché de Spolète déliés de la fidélité envers le pape et incorporés à l'Empire. La lutte prend un caractère d'extraordinaire passion. Les moines mendiants, les franciscains, d'esprit ardent et démocratique, par l'institution du tiers-ordre, ont enrôlé le peuple dans la milice de Saint-François. Ils s'en vont, prêchant de ville en ville la guerre sainte et déchaînant la foule contre l'Empire. Dans l'autre camp, Frédéric, lui aussi, s'adresse à l'opinion publique. Par une lettre du 20 avril, il invoque comme arbitre les princes et les peuples et leur soumet une longue apologie de sa conduite. Il adjure les cardinaux de convoquer un concile général, devant lequel il s'engage à soutenir et à prouver les accusations qu'il lance contre le pape. Enfin, il représente au roi que c'est leur cause qu'il défend. Il sera facile au pape d'humilier les autres rois et princes, si la puissance de l'empereur romain, contre qui ses premiers coups sont dirigés, est écrasée. Nous invoquons donc votre appui, afin que le monde sache que notre honneur commun est en cause chaque fois qu'un prince laïque est attaqué. Reprenons la politique de Grégoire VII. Grégoire IX veut soulever l'Allemagne contre Frédéric. Albert de Béham, archidiacre de Passau, y est son légat. Il exploite tous les mécontentements, travaille à faire élire roi des Romains le jeune roi de Danemark, Abel. Depuis son prince, le duc d'Autriche, le roi de Bohême, le duc de Bavière, d'autres encore, sont du complot. Mais l'archevêque de Mayence, Siegfried, le déjoue. Chargé de gouverner l'Allemagne au nom du jeune fils de Frédéric, Conrad, qui avait été nommé roi en 1237 à l'âge de 9 ans, il empêche la nomination d'un anti-roi, tandis que l'épiscopat allemand presque tout entier, malgré les objurgations du pape, reste fidèle à l'empereur. 1239. Frédéric est donc libre d'agir en Italie, où la plupart des villes de la Lombardie, de l'Ombrie, de la Toscane sont guelfes et tiennent pour le pape. Si la gibeline Ferrare succombe, en revanche il envahit les états de l'Église, s'empare de Foligno, de Viterbe, puis, plus au nord, de Ravenne, de Faenza. Il repousse les propositions du pape, qui demande une trêve, mais en y comprenant les villes lombardes. Cependant, Grégoire IX, acculé, a convoqué un grand concile à Rome pour donner à la condamnation de l'empereur un caractère plus solennel. À tout prix, Frédéric veut en empêcher la réunion. Au mois d'avril 1241, des évêques de France, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, réunis à Gênes, s'y embarquent sur 27 navires pour gagner Rome. Au sud-est de l'île d'Elbe, à la Meloria, la flotte impériale attaque les navires génois. 22 sont pris, 3 légats pontificaux, une foule d'archevêques tombent entre les mains de Frédéric. C'est à ce moment qu'une formidable invasion mongole, sous la conduite de Batican, menace l'existence de l'Europe chrétienne. La Russie, la Hongrie, la Pologne ont été écrasées par l'ouragan barbare. L'Allemagne entière s'arme. Le roi Conrad, entouré de princes, marche contre l'envahisseur. Tout à coup, à la suite de la mort d'Octaï, khan de tous les Tatars, les hordes asiatiques reculent en Hongrie et de là se replient sur le Volga. 1241. Même la gravité du danger qui courut la société chrétienne ne put faire lâcher prise aux deux ennemis qui s'en disputaient la domination. D'Italie, Frédéric II envoie des instructions sur les mesures à prendre contre les Mongols, mais il ne quitte pas les terres des États de l'Église. Au mois d'août, il est à Tivoli. Il s'empare d'Albano. En face du danger, Grégoire IX ne faiblit pas. Il est parvenu à s'assurer Rome. Le chef de la faction ghibelline, le cardinal Colonna, a dû s'enfuir à Palestrine. Le sénateur élu en 1241, Matthias Rubeus, est un guelf ardent. Mais ce pape presque centenaire, d'âme plus robuste et plus indomptable qu'aucun de ses prédécesseurs, meurt le 21 août 1241. Il avait régné au milieu des épreuves et des luttes, passant une partie de son pontificat hors de Rome, d'où le chassaient les émeutes. En 1234 notamment, il avait vu les Romains, sous la conduite de leur sénateur Lucas Savelli, disputer à la papauté le patrimoine même de Saint-Pierre, dont il voulait faire comme un état municipal, réclamer la suppression des privilèges juridiques et financiers des clercs à Rome. Le palais de Latran, les maisons des cardinaux avaient été pillées. Grégoire IX avait dû guerroyer contre ses sujets, même faire appel à l'empereur. Contre tant d'obstacles, jusqu'au dernier jour, l'énergie de ses passions le soutint. Il tomba en quelque sorte sur le champ de bataille, fièrement et sans avoir reculé. Innocent IV et le Concile de Lyon. Qui donc oserait prendre le pouvoir dans une situation si critique en face de l'ennemi? Frédéric affecte la modération, bat en retraite sur Naples, mais pour revenir et ravager l'état de Saint-Pierre en 1243. 10 cardinaux élisent Célestin IV. Il meurt avant d'avoir été consacré, novembre 1241. Pendant 19 mois, la papauté reste vacante. Enfin, en juin 1243, Sinibaldo Fieschi est élu à Anagni et prend le nom d'Innocent IV. Le mot fameux qu'on prête à Frédéric. J'ai perdu un bon ami, car aucun pape ne peut être gibelin. Et suspect. L'empereur se réjouit au contraire de l'élection d'Innocent IV, qu'il appelle son vieil ami. Il fait chanter partout des actions de grâce. Il écrit au prince qu'il compte sur le nouveau pape pour assurer la paix. On négocie péniblement. Un traité est même conclu en mars 1244. Mais une entente sincère est impossible. Au mois de juin, Innocent IV quitte Rome, se réfugie à Gênes, sa patrie. Au mois de décembre, il est à Lyon, ville d'empire en théorie, de fait indépendante. C'est là qu'il convoque le Concile général, qui, à l'abri des attaques de Frédéric II, statuera sur la cause de l'empereur. Le Concile de Lyon se réunit le 28 juin 1245 dans la cathédrale de Saint-Jean. Les évêques y étaient nombreux. 140 assistaient à la réunion préliminaire. Bien peu cependant étaient venus d'Allemagne, Frédéric II le leur ayant défendu ou le pape ne les ayant pas convoqués. Les patriarches latins de Constantinople et d'Antioche, l'empereur Baudouin II de Constantinople était venu plaider les intérêts de l'Orient catholique. Au nom de l'empereur, son envoyé Thaddée de Suessa déclara que son maître était prêt à traiter. Il proposa pour garant les rois de France et d'Angleterre. Innocent IV refusa. La cognée est à la racine, dit-il. Il ne veut plus être dupe de négociations fictives. Le 17 juillet, dans la dernière séance, Innocent IV lit la sentence d'excommunication contre Frédéric, coupable de parjure, d'hérésie, de sacrilège. Thaddée de Suessa, en serviteur fidèle, a pendant ces longs débats défendu avec éloquence, seul contre tous, la cause de son maître. D'avance, il déclare la sentence nulle, puisqu'on n'a pas entendu la comparution de Frédéric, puisqu'innocent quatre et juge est parti. Jour de colère, de calamité et de malheur, s'écrie-t-il lorsqu'il est prononcé. S'il faut en croire Mathieu Paris, Frédéric, alors à Turin, entre à cette nouvelle dans une violente colère. Le pape m'a déposé dans son synode. Il m'a privé de ma couronne. D'où lui vient cette audace? Il se fait apporter son trésor, ses couronnes. Il en met une sur sa tête, se dresse, le regard menaçant, et d'une voix terrible. Je n'ai pas encore perdu ma couronne. Je ne la perdrai pas sans de sanglants combats. Meilleure devient ma situation. J'étais obligée encore à quelque obéissance, à quelque respect envers cet homme. Maintenant je suis déliée de toute obligation. La guerre partout. Alors s'engage la lutte suprême. Il faut renoncer à en retracer ici les péripéties confuses et se concentrer d'en indiquer les caractères généraux. Innocent IV déclare qu'il ne traitera ni avec Frédéric, ni avec ses fils, race de vipères. Il fait prêcher la croisade contre lui. Contre le pape, Frédéric fait appel au roi. Le roi par excellence était alors Saint-Louis. Maître d'un royaume solidement formé, il joignait à la force l'autorité morale. Son grand-père, Philippe Auguste, avait été l'allié de Frédéric II contre Otto de Brunswick. Entre Grégoire IX et l'empereur, Saint-Louis avait gardé la neutralité. Quand le pape avait offert à Robert d'Artois la couronne impériale, Saint-Louis n'avait point voulu que son frère acceptât. En revanche, en 1241, quand Frédéric à la Meloria fit prisonnier de prélats français, il protesta, déclarant qu'il considérait leur détention comme une injure personnelle. « Que la puissance impériale réfléchisse », avait-il écrit, « qu'elle n'obéisse pas aux enivrements de la puissance et du bon plaisir, car le royaume de France n'est pas tellement affaibli qu'il se laisse mener à coups d'étrivière. » Sur la demande de l'empereur, Saint-Louis accepta le rôle d'arbitre. Deux fois, en 1245 et en 1246, il vit le pape à Cluny, sans rien obtenir. Chef de la chrétienté bien plus que celui-ci, par son esprit de justice et de charité, Saint-Louis eut le droit de reprocher à Innocent IV, avant de partir pour l'Égypte, de ne point savoir pardonner et de compromettre les intérêts de la société chrétienne en Orient. En 1250, les comtes d'Anjou et de Poitiers, repassant par Lyon, purent accuser le pape d'avoir contribué à la ruine de la croisade lorsqu'il avait employé contre l'empereur l'argent et les hommes destinés à la guerre sainte. Ils le menacèrent même de le chasser de Lyon et de tourner la France contre lui. En somme, Frédéric ne tira de la France qu'une intervention diplomatique. Les autres rois ne remuèrent pas. En Allemagne, il se heurta à la révolte. Malgré tant de concessions faites aux princes ecclésiastiques et laïcs, plus d'un parmi eux prêtait l'oreille aux sollicitations du pape. Après le concile de Lyon, les défections se multiplient. Le 22 mai 1246, les adversaires de Frédéric élisent roi des Romains Landgrave de Thuringe, Henri Raspau. Vainqueur du roi Conrad à Francfort, 1246, Raspau mourut l'année suivante. Alors Guillaume de Hollande fut élu et continua la lutte contre les Hohenstaufen. Conrad sut cependant se maintenir jusqu'à la mort de Frédéric. Il s'appuya franchement sur l'alliance de ces villes que, quelques années auparavant, son père avait abandonné sans scrupule à la haine des princes. C'est ainsi qu'un historien de Frédéric II a pu écrire. Le progrès des communes est le résultat le plus important du gouvernement de Frédéric II et de ses fils en Allemagne. Aussi, beaucoup s'attachent-elles avec passion à la cause impériale. Depuis 1246, Ratisbonne devint un centre de résistance. Nul ne pouvait se montrer dans les rues portant sur ses habits le signe de la croisade contre Frédéric II. Celui qui osait le faire était livré aux tourments et à la mort. Placé depuis longtemps sous l'interdit, les habitants avaient pris le parti de se passer du clergé. Ils enterraient eux-mêmes leurs morts au son des trompettes. En Italie, surtout, sévit la guerre. Là, villes guelfes et ghibellines, voisines les unes des autres, s'attaquent, pillent, tuent, avec cette haine furibonde qu'on exaspérait entre elles des siècles de jalousie et de rivalité. Honore, Anzio, bâtard de Frédéric II, et Enzelino de Romano, son gendre, cherchent à étouffer la ligue guelfe dans le sang. Un autre bâtard impérial, Frédéric d'Antioche, la contient en Toscane. En 1247, au moment où l'empereur voulait aller traquer le pape à Lyon, Parme trahit la cause impériale. Frédéric le bloque et, furieux de sa résistance, décidé à ne point lâcher sa proie, devant la ville révoltée, dont il a décrété la ruine, il dresse une ville nouvelle, Victoria. En février 1248, dans une audacieuse sortie, les Parmesans se jettent sur Vittoria, l'incendient, s'emparent du trésor de Frédéric, de sa couronne, de son harem. Thaddée de Sueza, le fidèle ministre de l'empereur, est parmi les morts. Dans son royaume du sud de l'Italie, sa terre de prédilection, il poursuit avec une énergie sauvage les légats, les moines, apôtres de la révolte que le pape y déchaîne. Il y brave Innocent IV, force le clergé à célébrer les offices en dépit de l'interdit. À ce moment surtout, des paroles, des lettres ambiguës ont fait croire qu'il avait songé à devenir le chef d'une église réformée. La rage dans l'âme, il soupçonne de trahison le conseiller en qui il avait mis toute sa confiance, le bras droit de son gouvernement, ce Pierre de la Vigne que les courtisans, dont leur jargon mystique, appelé l'apôtre du Messie impérial. Accusé de s'être vendu au pape et d'avoir cherché à empoisonner l'empereur, sans qu'aujourd'hui encore on puisse savoir s'il fut coupable, Pierre de la Vigne eut les yeux crevés et se brisa la tête pour échapper à de nouveaux supplices. Dante, qui pourtant l'a placé dans l'enfer, n'a pu croire à la trahison de celui qui, selon son expression, tenait les deux clés du cœur de Frédéric. « Je jure, lui fait-il dire, que je n'ai jamais failli à mon maître, qui fut si digne d'honneur. Et si quelqu'un de vous retourne au monde, qu'il relève ma mémoire gisante encore du coup qu'il a porté. » Dans le nord, le fils de prédilection de l'empereur, le bel Enzio, était battu et fait prisonnier par les Bolognais à Fossalta. Mai 1249. La mort seule, en 1272, mit fin à sa captivité. Sans se laisser abattre, Frédéric du sud de l'Italie marchait de nouveau contre la Lombardie. Le 13 décembre 1250, la mort l'arrêta au château de Fiorentino, près de Lucera. Ainsi disparu, dit Mathieu Paris, le plus grand des princes de la terre, qui stupéfia et bouleversa le monde. Il expira délié de l'anathème et, raconte-t-on, revêtu de la robe d'un moine de Cîteaux, merveilleusement contrit et repentant. Au contraire, le biographe pontifical le dépeint à ses derniers moments, grinçant des dents et rugissant. Le calme avec lequel il régla sa succession réfute cette calomnie. Les derniers Hohenstaufen. Lourd est l'héritage impérial. Conrad IV, qui le recueille, s'appuie en Italie sur Manfred, le bâtard de Frédéric II, le lieutenant de son père dans le sud de la péninsule. Lorsque Innocent IV quitte enfin Lyon, traverse la Lombardie en triomphateur, Conrad descend en Italie et, réuni à Manfred, écrase Naples qui s'est soulevée. Mais les deux frères cessèrent de s'entendre. Ce fut le salut de la papauté. Bientôt Conrad disparaît, tout jeune encore, à 26 ans, mai 1254. La même année, Innocent IV meurt à Naples, où il venait d'entrer, après avoir traité avec Manfred. Sous le pontificat d'Alexandre IV, 1254 jusqu'à 1261, d'humeur débonnaire, peu apte à la lutte, Manfred domine en Italie. Il se fait couronner roi à Palerme, 1258, s'appuie dans le nord sur Venise, Gênes et les villes gibelines de Lombardie, de Romagne, de Toscane. Habile d'ailleurs à se rendre populaire par l'intelligence qu'il montre à gouverner, peut-être eût-il réussi sans l'avènement d'un nouveau pape, Urbain IV. Celui-ci, français de naissance, fit appel contre lui à un prince français, le sombre et dur Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. Charles leva une armée de Provençaux, de Brabançons, de Guelfes italiens. Malgré la bravoure de ses Souabes, de ses Gibelins lombards et toscans, de ses Sarrasins, Manfred fut battu et tué dans la plaine de Grandella, près de Bénévent, 26 février 1266. Un fils de Conrad IV, alors âgé de 15 ans, Conradin, que les Italiens ont appelé Corradino, résolut de venger son oncle. Accompagné par son ami Frédéric d'Autriche, il descend en Italie. Pise l'accueille triomphalement. À Rome, le sénateur, Henri de Castille, le reçoit comme un empereur. Mais, le 23 août 1268, il est battu à Tagliacozzo par les chevaliers français. Dans sa fuite à travers la campagne de Rome, il fut arrêté par un Frangipani, traître à la cause gibeline. Livré à Charles d'Anjou, il fut décapité avec Frédéric d'Autriche. Il fut pleuré de l'Italie bien plus que de l'Allemagne. Du moins, par la mort héroïque de Manfred et du jeune Conradin, la maison des Hohenstaufen tomba glorieusement. Fin de la section 19.